Emma Orczy, La fin. Chapitre 1. Une ou deux personnes savaient qu'à une époque, Lady Molly Robertson Kirk avait été fiancée au capitaine Hubert de Mazarine, aujourd'hui condamné à perpétuité pour le meurtre de M. Stillman, un avocat de Carlisle, dans les bois d'Elkhorn, en avril 1904. Peu de gens, en revanche, connaissaient le mariage secret célébré en cet après-midi inoubliable, alors que tous ceux qui étaient présents dans l'église, à l'exception du marié lui-même, savaient parfaitement que des preuves de culpabilité, mortelles et irréfutables, s'accumulaient déjà à l'époque contre l'homme auquel Lady Molly s'était fiancée, pour le meilleur ou pour le pire, les yeux grands ouverts, l'intuition infaillible que rien, sauf un miracle, ne pourrait sauver l'homme qu'elle aimait d'une condamnation ignoble, peut-être de la potence. Le mari de ma chère Lady, l'homme qu'elle aimait de toute la force de sa nature romantique et passionnée, avait été jugé et reconnu coupable de meurtre. Condamné à la pendaison, il avait eu le droit à la clémence, et sa peine avait été commuée en servitude pénale à vie. La question de la succession de Sir Jérémien était devenue compliquée, car son ancien testament n'avait jamais été signé, et le précédent, daté de 1902, léguait tout ce qu'il possédait sans condition à son petit-fils bien-aimé, Hubert. Après de nombreuses discussions juridiques, qu'il est inutile de récapituler ici, il avait été convenu entre les parties et ratifié au tribunal que l'immense richesse du défunt gentleman devait être disposée comme s'il était mort intestat. La moitié de la fortune revenait donc au capitaine Hubert de Mazarine, petit-fils, et l'autre moitié à Philippe Badoc, fils. Ce dernier acheta le château d'Appledore et y résida, tandis que son neveu devint le matricule 97 de la prison de Dartmoor. Le capitaine Hubert avait purgé 2 ans de sa peine lorsqu'il s'était évadé de façon audacieuse et réussie, ce qui avait fait tant de bruit à l'époque. Il était parvenu à atteindre Appledore, où il avait été découvert par M. Philippe Badoc, qui lui avait donné de la nourriture et un abri, et avait tout préparé pour le transport en toute sécurité de son malheureux neveu jusqu'à Liverpool, et de là jusqu'à un port sûr en Amérique du Sud. Vous vous souvenez que cette louable tentative avait été contrecarrée par Lady Molly elle-même, qui avait communiqué avec la police et avait remis le condamné numéro 97 entre les mains des autorités. Bien entendu, le public avait vivement protesté contre l'action de ma chère Lady. Le sens du devoir, c'était très bien, disaient les gens, mais personne ne pouvait oublier qu'à une époque, le capitaine Hubert de Mazarine et Lady Molly Robertson Keane avaient été fiancés et qu'il semblait tout à fait monstrueux qu'une femme soit aussi impitoyable envers l'homme qu'elle avait dû aimer à un moment donné. Vous voyez à quel point les gens ne comprenaient pas les motifs de ma chère Lady. Certains allèrent jusqu'à dire qu'elle n'avait envisagé le mariage avec le capitaine Hubert de Mazarine que parce qu'il était alors, vraisemblablement, l'héritier de la fortune de Sir Jérémien. Maintenant, continuaient les commères, elle était tout aussi prête à épouser M. Philippe Badoc, qui, en tout cas, était l'heureux possesseur de la moitié de la fortune du défunt gentleman. Il est certain que la conduite de Lady Molly, à cette époque, avait contribué à nourrir cette idée. Constatant que même le chef était enclin à la laisser de côté, elle quitta notre appartement de Maidavel et s'installa dans la petite maison qu'elle possédait à Kirk et des fenêtres de laquelle elle avait une vue splendide sur le majestueux château d'Appledore, niché parmi les arbres sur le flanc de la colline. J'étais avec elle, bien sûr, et M. Philippe Badoc venait souvent à la maison. Il ne faisait aucun doute qu'il admirait beaucoup et qu'elle acceptait ses attentions avec une bonne dose d'amabilité. Le comté cherchait à éviter la jeune femme. Ses anciennes fiançailles avec le capitaine de Mazarine étaient bien connues et la trahison qu'elle lui avait faite, c'est ainsi qu'on l'appelait, avait été sévèrement blâmée. Vivant presque isolé dans le village, son âme entière semblait enveloppée de pensées sur la façon d'élucider le mystère de la mort de M. Stedman. Le capitaine de Mazarine avait juré pour sa défense que l'avocat, après avoir commencé à marcher avec lui à travers les bois d'Elkon, avait craint que la marche sur un terrain accidenté ne soit trop pénible pour lui et qu'il avait presque immédiatement fait demi-tour pour regagner la route. Mais le chauffeur, George Taylor, qui s'occupait de la voiture en panne quelques 200 mètres plus loin, ne revit jamais M. Stedman, tandis que le capitaine de Mazarine arrivait seul aux portes du château d'Appledore. Il y fut accueilli par M. Philippe Baddock, qui l'informa que Sir Jérémia avait rendu le dernier soupir une heure auparavant. Personne au château ne se souvenait d'avoir vu un bâton dans la main du capitaine Hubert à son arrivée, alors que plusieurs témoins avaient juré qu'il en portait un à la gare d'Appledore lorsqu'il avait commencé à marcher avec madame. Le bâton avait été retrouvé près du corps de l'avoué, et l'avoué, lorsqu'il connut sa terrible mort, avait dans sa poche le projet d'un testament qui signifiait le déshéritement du capitaine de Mazarine. Voilà le terrible problème que Lady Molly devait affronter et résoudre si elle persistait à croire que l'homme qu'elle aimait et qu'elle avait épousé, au moment où elle savait que les preuves de sa culpabilité étaient irréfutables, était bel et bien innocent. Chapitre 2. Nous avions passé toute la matinée à faire des achats à Carlisle et, dans l'après-midi, nous avons rendu visite à M. Fewling du cabinet d'avocats Fewling, Stedman et compagnie. Lady Molly avait quelques affaires à régler concernant l'achat d'un terrain supplémentaire pour compléter son petit jardin à Kirk. M. Fewling se montra courtois mais nettement rigide à l'égard de la dame qui était liée à la police, surtout lorsque, ses affaires réglées, elle semblait vouloir s'attarder un peu plus dans le bureau de l'avocat, très occupé, et amener la conversation sur le sujet du meurtre de M. Stedman. 5 ans se sont écoulés depuis, dit sèchement M. Fewling, en réponse à une remarque de Lady Molly. Je préfère ne pas raviver des souvenirs désagréables. Vous pensiez bien sûr que le capitaine de Mazarine était coupable, rétorqua ma chère Lady, imperturbable. Il y avait des circonstances, répliqua l'avocat, et bien sûr, je connaissais à peine le malheureux jeune homme. Messieurs Truscott et Truscott étaient les avocats de la famille. Oui, il semble curieux que Sir Jérémia, lorsqu'il a voulu faire son testament, ait fait appel à vous plutôt qu'à son avocat habituel, dit Lady Molly. Sir Jérémia ne m'a pas fait venir, répondit M. Fewling avec une certaine aigreur. Il a fait venir mon assistant, M. Stedman. Peut-être M. Stedman était-il un de ses amis personnels ? Pas du tout, pas du tout. M. Stedman venait d'arriver à Carlisle et n'avait jamais vu Sir Jérémia avant le jour où on l'a fait venir et où, au cours d'une brève entrevue, il a rédigé le testament qui, hélas, s'est avéré être la cause première de la mort de mon malheureux jeune associé. On ne peut pas rédiger un testament au cours d'une brève entrevue, M. Fewling, remarqua Lady Molly avec légèreté. M. Stedman l'a fait, rétorqua sèchement M. Fewling. Bien que Sir Jérémia ait l'esprit aussi clair que du cristal, il était très faible et l'entretien a dû se dérouler dans une pièce sombre. C'est la seule fois où mon jeune associé a vu Sir Jérémia. 24 heures plus tard, ils étaient tous deux morts. Oh ! Commenta ma chère Lady avec une soudaine indifférence. Eh bien, je ne vous dérange pas plus, Monsieur Fewling. Bon après-midi. Quelques instants plus tard, après avoir quitté le digne vieil avocat, nous étions de nouveau dans la rue. La chambre obscure est mon premier rayon de lumière, me dit Lady Molly en souriant à sa propre remarque paradoxale. Lorsque nous arrivâmes à la maison plus tard dans l'après-midi, nous fûmes accueillis à la porte du jardin par M. Felkin, l'ami et l'assistant de M. Philippe Baddock, qui vivait avec lui au château d'Appledore. M. Felkin était une personnalité curieuse. Très taciturne dans ses manières, c'était un homme d'une éducation considérable. Il était le fils d'un pasteur de campagne et, au moment de la mort de son père, il étudiait la médecine. N'ayant pu poursuivre ses études faute de moyens et s'étant retrouvé totalement démuni, il avait été contraint de gagner sa vie en exerçant la profession moins noble d'infirmier. Il semble qu'il ait rencontré M. Philippe Badoc sur le continent il y a quelques années et que les deux jeunes gens aient commencé à se fréquenter. Lorsque feu Sir Jeremiah avait eu besoin d'un infirmier personnel, M. Philippe Badoc fit venir son ami et l'installa au château d'Appledore. C'est là que M. Felkin resta, même après la mort du vieil homme. On l'appelait nominalement l'assistant de M. Badoc, mais il ne faisait en réalité que très peu de travail. Il aimait beaucoup le tir et l'équitation et passait sa vie à pratiquer ces sports, et il avait toujours beaucoup d'argent à dépenser. Mais tout le monde le considérait comme un ours désagréable, et la seule personne qui ait jamais réussi à le faire sourire était Lady Molly, qui avait toujours montré un penchant inexplicable pour cette créature grossière. Même maintenant, alors qu'il tendait une main un peu crasseuse et murmurait des excuses maladroites pour son intrusion, elle le saluait avec une chaleureuse effusion et insistait pour qu'il entre dans la maison. Nous nous sommes tous retournés pour marcher dans la petite allée lorsque la voiture de M. Badoc arriva en trombe à l'angle de la route du village. Il s'arrêta devant notre porte et, l'instant d'après, nous rejoignait dans l'allée. Il avait un regard très noir qui passait sans cesse du visage de ma chère Lady à celui de son ami. La petite main de Lady Molly était alors posée sur la manche du manteau de M. Felkin. Elle était en train de le conduire elle-même vers la maison et ne retira pas sa main lorsque M. Badoc fit son apparition. « Burton vient de téléphoner au sujet de ses estimations, Felkin, » dit ce dernier un peu brutalement. « Il attend au château. Vous feriez mieux de prendre la voiture. Je pourrai rentrer à pied plus tard. » « Oh, quelle déception !» s'écria Lady Molly avec ce qui ressemblait étrangement à une moue. « J'allais avoir une conversation si agréable avec M. Felkin à propos de chevaux et de chiens. Ne pouviez-vous pas voir ce fatigant Burton, M. Badoc ? » ajouta-t-elle ingénument. Je ne pensais pas que M. Badoc ait vraiment pesté, mais je suis sûre qu'il a failli le faire. « Burton peut attendre, » dit sèchement M. Felkin. « Non, il ne le peut pas, » répliqua Philippe Badoc, dont le visage était froncé par une jalousie incontrôlée. « Prenez la voiture, Felkin, et partez tout de suite. » Pendant un instant, il sembla que Felkin allait refuser d'obéir, mesurant l'un l'autre la force de leur volonté et de leur passion. La haine et la jalousie étaient clairement inscrites dans chaque paire d'yeux luisants. Philippe Badoc avait l'air défiant et Felkin taciturne et boudeur. Tout près d'eux se tenait ma chère Lady. Ses beaux yeux brillaient littéralement de triomphe. Moi, son amie et confidente, je savais très bien que ces deux hommes l'aimaient, chacun à sa manière curieuse et incontrôlée. J'avais vu et souvent réfléchi aux attaques féminines qu'elle avait lancées contre les susceptibilités de ce morose Felkin. Il lui avait fallu près de 2 ans pour l'amener à ses pieds. Pendant ce temps, elle l'avait tour à tour rendu heureux par ses sourires et à moitié fou par ses coquetteries, tandis que l'amour de Philippe Badoc, pour elle, était perpétuellement attisé par sa jalousie grandissante. Je me souviens que j'ai souvent trouvé son jeu cruel. Elle était de ces femmes auxquelles peu d'hommes pouvaient résister. Si elle voulait vraiment conquérir, elle réussissait invariablement et sa victoire sur Felkin me paraissait aussi dépourvue d'objectifs que peu aimable. Après tout, elle était l'épouse légitime du capitaine de Mazarine et suscitait la haine entre 2 amis au nom de son amour, alors que cet amour n'était pas partagé par elle, me paraissait indigne de sa personne. À ce moment, alors que je pouvais lire une haine mortelle sur les visages de ces 2 hommes, son rire roucoulant me parvint désagréablement à l'oreille. « Peu importe, Monsieur Felkin, dit-elle en tournant ses yeux lumineux vers lui. « Puisque vous avez un maître si dur, vous devez faire votre devoir maintenant. » « Mais, ajouta-t-elle en jetant un étrange regard de défi à M. Badoc, « je serai à la maison ce soir. Venez discuter après le dîner. » Elle lui tendit la main. Il la prit avec une certaine galanterie maladroite et la porta à ses lèvres. Je crus que Philippe Badoc allait frapper son ami de sa main ouverte. Les veines de ses tempes étaient gonflées comme des cordes sombres, et je ne crois pas avoir jamais vu un regard aussi mauvais dans les yeux de quelqu'un. Chose étrange, dès que M. Felkin eut le dos tourné, ma chère Lady sembla se mettre en devoir d'apaiser les passions violentes qu'elle avait volontairement suscitées chez l'autre homme. Elle l'invita à entrer dans la maison, et, au bout d'une dizaine de minutes, je l'entendis chanter pour lui. Lorsque, plus tard, je suis entré dans le boudoir pour les rejoindre au thé, elle était assise sur le tabouret à musique, tandis qu'il était à moitié penché sur elle, à moitié agenouillé à ses pieds. Ses mains et ses jointes sur ses genoux et ses doigts étaient refermés sur les siens. Il n'essaya pas de retirer sa main lorsqu'il me vit entrer dans la pièce. En fait, il arborait un air de possession triomphante et lui faisait ses petites attentions que seul un amant accepté oserait lui offrir. Il partit peu après le thé et elle l'accompagna jusqu'à la porte. Elle lui donna sa main à baiser et moi, qui me tenais à quelque distance dans l'ombre, je crus qu'il allait la prendre dans ses bras tant elle paraissait cédante et gracieuse. Mais un regard ou un geste de sa part dut l'arrêter car il se retourna et marcha rapidement dans l'allée. Lady Molly se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait le coucher du soleil. Dans mon humble esprit, je me demandais une fois de plus quel était le but de ce jeu cruel. Chapitre 3. Une demi-heure plus tard, elle m'appela, me demanda son chapeau, me dit de mettre le mien et de sortir pour une promenade. Comme cela arrivait souvent, elle prit la direction des bois d'Elkhorn qui, en dépit ou peut-être à cause des souvenirs douloureux qu'ils évoquaient, était une de ses promenades préférées. En règle générale, le bois, en particulier la partie où le malheureux avocat avait été assassiné, était désert après le coucher du soleil. Les villageois déclaraient que le fantôme de M. Sandman hantait la clairière et que le cri de l'homme assassiné, alors qu'il était frappé par derrière, pouvait être entendu distinctement à travers les arbres. Inutile de dire que ces fantaisies superstitieuses n'avaient jamais troublé Lady Molly. Elle aimait se promener sur le terrain où avait été commis ce crime mystérieux qui avait envoyé dans une ignominie pire que la mort l'homme qu'elle aimait si passionnément. On aurait dit qu'elle voulait arracher son secret au sol silencieux, aux sous-bois feuillus, aux habitants furtifs des clairières. Le soleil s'était couché derrière les collines, la forêt était sombre et silencieuse. Nous nous sommes promenés jusqu'à la première clairière où une pierre de granit, posée par M. Philippe Badoc, marquait l'endroit où M. Simon avait été assassiné. Nous nous sommes assises dessus pour nous reposer. L'humeur de ma chère Lady était au silence. Je n'osais pas le troubler et pendant un certain temps, seul le doux « huch, chut, chut » des feuilles agitées par la brise du soir rompaient le silence paisible de la clairière. Puis nous entendîmes un murmure de voix graves et profondes. Nous ne pouvions pas entendre les mots prononcés, bien que nous ayons tendu l'oreille, mais Lady Molly se leva et se dirigea prudemment parmi les arbres dans la direction d'où venaient les voix, et je la suivis aussi près que je pouvais. Nous n'étions pas loin lorsque nous reconnûmes les voix et entendîmes les mots qui étaient prononcés. Je m'arrêtai, manifestement effrayé, tandis que ma chère Lady murmurait un « chut » d'avertissement. De toute ma vie, je n'avais jamais entendu autant de haine, de malignité vengeresse, exprimée dans l'intonation de la voix humaine que dans la demi-douzaine de mots qui venaient de frapper mon oreille. « Vous allez la laisser ou ?» C'était M. Felkin qui parlait. Je reconnus sa voix rauque, mais je ne pouvais distinguer aucun des deux hommes dans la pénombre. « Ou quoi ?» demanda l'autre, d'une voix qui tremblait de rage ou de peur, « peut-être les deux à la fois. »« Vous l'abandonnerez !» répéta Felkin d'un air maussade. « Je vous dis que c'est impossible, comprenez-vous, impossible pour moi de rester là et de l'avoir mariée à vous ou à n'importe quel autre homme d'ailleurs. Mais ce ne sera ni l'un ni l'autre, » ajouta-t-il après une légère pause. « C'est avec vous que je dois traiter maintenant. Vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas, je ne le permettrai pas, même si je dois. » Il s'arrêta de nouveau. Je ne saurais décrire l'effet extraordinaire que produisit sur mes nerfs cette voix rude qui sortait de l'obscurité. Je m'étais approché de Lady Molly et j'avais réussi à lui prendre la main. Elle était comme de la glace et elle-même était aussi rigide que le morceau de granit sur lequel nous étions assises. « Vous semblez bouillonner de menaces secrètes !» intervint Philippe Baddock dans ce qui était manifestement un ricanement. « Quelles sont les mesures extrêmes auxquelles vous aurez recours si je ne renonce pas à la dame que j'aime de tout mon cœur et qui m'a fait l'honneur aujourd'hui d'accepter de m'épouser ?»« C'est un mensonge !» s'écria Felkin. « Qu'est-ce qui est un mensonge ?» demanda l'autre tranquillement. « Elle ne vous a pas accepté et vous le savez. Vous essayez de m'éloigner d'elle, vous arrogeant des droits que vous ne possédez pas. Abandonnez-la, mon vieux, abandonnez-la !» Ce sera mieux pour vous. Elle m'écoutera, je peux très bien la gagner, mais vous devez vous tenir à l'écart pour moi cette fois. Croyez-en la parole d'un homme désespéré, Baddock, il vaut mieux que vous la laissiez tomber. » Le silence régna dans le bois pendant quelques instants, puis nous entendîmes de nouveau la voix de Philippe Braddock, mais il semblait parler plus calmement, presque avec indifférence. « Vous partez maintenant ? » demanda-t-il. « Vous ne rentrez pas pour dîner ?»« Non, » répondit Felkin, « je ne veux pas dîner et j'ai un rendez-vous après. » »« Ne nous séparons pas en mauvais termes, Felkin, » continua Philippe Baddock d'un ton conciliant. « Vous savez que, personnellement, je pense qu'aucune femme sur terre ne vaut une querelle sérieuse entre deux vieux amis comme nous l'avons été. »« Je suis heureux que vous le pensiez, » répondit l'autre avec humour. « Au revoir !» Le craquement des brindilles sur le sol couvert de mousse indiqua que les deux hommes s'étaient séparés et allaient chacun de leur côté. Avec une infinie prudence et en tenant fermement ma main dans la sienne, ma chère Lady s'engagea dans l'étroit sentier qui nous menait hors du bois. Une fois sur la route, nous marchâmes rapidement et arrivâmes bientôt à la porte de notre jardin. Lady Molly n'avait pas dit un mot pendant tout ce temps et personne ne savait mieux que moi comment respecter son silence. Pendant le dîner, elle s'efforça de parler de sujets indifférents et ne fit pas une seule fois allusion aux deux hommes qu'elle avait ainsi délibérément dressés l'un contre l'autre. Je compris cependant que son calme n'était qu'apparent en constatant que chaque bruit sur le chemin de gravier à l'extérieur la faisait sursauter. Elle s'attendait, bien sûr, à la visite de M. Felkin. Il arriva à 8 heures. Il était évident qu'il avait passé l'heure précédente à errer dans les bois. Il avait l'air désordonné et négligé. Ma chère Lady l'accueillit très froidement et, lorsqu'il essaya de lui baiser la main, elle la retira brusquement. Notre salon était double et divisé par des rideaux. Lady Molly ouvrit la voie dans la pièce de devant, suivie par M. Felkin. Puis elle tira les rideaux, me laissant debout derrière eux. J'en conclus qu'elle souhaitait que je reste là et que j'écoute, consciente du fait que Felkin, dans l'état d'agitation dans lequel il se trouvait, serait tout à fait inconscient de ma présence. Je plaignais presque le pauvre homme, car pour moi, l'auditrice, il était évident que ma chère Lady l'avait invité à venir ce soir pour le torturer. Depuis un an environ, elle jouait avec lui comme un chat avec une souris, l'engageant tantôt par des mots doux et des sourires, le repoussant à d'autres moments avec une froideur non dépourvue de coquetterie. Mais ce soir, sa froideur était totale, sa voix était tranchante, son attitude presque méprisante. Je manquai le début de leur conversation car les rideaux étaient épais et je ne voulais pas trop m'approcher, mais bientôt la voix de M. Felkin s'éleva. Elle était dure et sans concession. « Je suppose que je ne suis bon que pour un flirt d'été, » dit-il d'un ton maussade, « mais pas pour le mariage, hein ? Le propriétaire du château d'Appledore, le millionnaire, M. Badoc, est plus digne de vous. »« Il serait certainement plus approprié pour moi, » répliqua Lady Molly froidement. « Il m'a dit que vous aviez formellement accepté ses avances, » dit l'homme avec un calme forcé. « Est-ce vrai ?»« En partie, » répondit-elle. « Mais vous ne l'épouserez pas !» L'exclamation semblait sortir tout droit d'un cœur débordant de passion, d'amour, de haine et de vengeance. La voix avait la même intonation que celle qui avait résonné une heure auparavant dans les sombres bois d'Elkhorn. « C'est possible, » dit ma chère Lady avec calme. « Vous ne l'épouserez pas !» répéta rudement Felkin. « Qui m'en empêchera ?» répliqua Lady Molly avec un rire bas et sarcastique. « Moi !»« Vous ?» dit-elle avec mépris. « Je lui ai dit, il y a une heure, qu'il devait vous laisser. Je vous dis maintenant que vous ne serez pas la femme de Philippe Badoc. » Oh ! L'interrompit-elle. Et je pouvais presque voir le haussement dédaigneux de ses épaules, l'éclair de mépris dans ses yeux expressifs. Sans doute était-il furieux de la voir si froide, si indifférente, alors qu'il avait cru pouvoir la conquérir. Je crois bien que le pauvre malheureux l'aimait. Elle avait toujours été belle, mais jamais plus que ce soir, alors qu'elle était manifestement décidée à le congédier. « Si vous épousez Philippe Badoc, » dit-il alors d'une voix frémissante de passion incontrôlée, « dans les 6 mois qui suivront votre mariage, vous serez veuve car votre mari aura fini sa vie sur le gibet. »« Vous êtes fou, » répliqua-t-elle calmement. « C'est possible, » répondit-il, « je l'ai prévenu ce soir et il semble disposé à tenir compte de mon avertissement. » Mais il ne se tiendra pas à l'écart si vous lui faites signe. C'est pourquoi, si vous l'aimez, tenez compte de mon avertissement. Je ne pourrai peut-être pas vous avoir, mais je vous jure que Philippe Badoc ne le pourra pas non plus. Je le verrai d'abord pendu, » ajouta-t-il avec un sens macabre. « Et vous pensez pouvoir me forcer à vous obéir avec des menaces aussi dérisoires ? » répliqua-t-elle. « Des menaces dérisoires ? « Demandez à Philippe Badoc si mes menaces sont dérisoires. Il sait très bien que dans ma chambre, au château d'Appledore, à l'abri des doigts malveillants, se trouvent les preuves qu'il a tué Alexander Stephen dans les bois d'Elkhorn. Oh, je ne l'aurais pas aidé dans ses méfaits s'il ne s'en était pas remis à moi. Il devait accepter mes conditions ou laisser tomber, car il ne pouvait rien faire sans moi. J'ai peu de besoins et il m'a bien traité et bien payé. » Maintenant, nous sommes rivaux et je le détruirai avant de le laisser triompher de moi. Savez-vous comment nous avons procédé ? Sœur Jérémia ne voulait pas déshériter son petit-fils. Il refusait catégoriquement de faire un testament en faveur de Philippe Badoc. Mais alors qu'il était pratiquement mourant, nous avons fait venir Alexander Steinman, un nouveau venu qui n'avait jamais vu Sœur Jérémia auparavant, et je me suis fait passer pour le vieux monsieur pour l'occasion. « Oui, moi !» répéta-t-il avec un rire grossier. « J'ai été sœur Jérémia pendant une demi-heure et je crois que j'ai magnifiquement joué mon rôle. J'ai dicté les termes d'un nouveau testament. Le jeune Steinman n'a pas soupçonné la fraude un seul instant. Nous avions obscurci la pièce pour la comédie, voyez-vous, et M. Steinman était destiné par Badoc et moi-même à ne jamais poser les yeux sur le vrai sœur Jérémia. Après l'entrevue, Badoc a envoyé chercher le capitaine de Mazarine. Tout cela faisait partie de son plan et du mien. Nous avons tout manigancé et nous savions que sœur Jérémia ne tiendrait que quelques heures. Nous avons de nouveau fait venir Steinman et j'ai moi-même dispersé quelques douzaines de clous pointus sur la route où l'automobile devait tomber en panne, obligeant ainsi l'avocat à marcher à travers les bois. l'apparition du capitaine de Mazarine sur la scène à ce moment précis a été un effet imprévu qui a failli bouleverser tous nos plans, car si M. Stedman s'en était tenu à lui cette nuit-là, au lieu de faire demi-tour, il serait probablement en vie aujourd'hui et Badoc et moi serions en prison quelque part pour tentative d'escroquerie. En tout cas, nous aurions été condamnés. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. M. Stedman a été tué. M. Badoc l'a tué, puis il a couru tout droit vers la maison, juste à temps pour saluer le capitaine de Mazarine qui, de toute évidence, avait traîné sur son chemin. Mais c'est moi qui ai pensé au bâton comme précaution supplémentaire pour éviter les soupçons sur nous. Le capitaine de Mazarine en portait un et l'avait laissé dans le hall du château. Je me suis coupé la main et j'ai taché le bâton avec, puis je l'ai poli et nettoyé, et plus tard, pendant la nuit, je l'ai déposé à proximité du corps assassiné. Ingénieux, n'est-ce pas? Je suis un vaurien intelligent, voyez-vous. Parce que j'étais plus malin que Badoc, il ne pouvait pas se passer de moi. Et parce qu'il ne pouvait pas se passer de moi, je lui ai fait écrire et signer un papier pour que je l'aide à fabriquer un faux testament et à assassiner ensuite l'avocat qu'il avait rédigé. Et j'ai caché ce précieux document dans l'aile du château d'Appledore que j'habite. L'endroit exact n'est connu que de moi. Badoc a souvent essayé de le découvrir, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il se trouve dans cette aile particulière de la maison. J'ai le document et le projet de testament sorti de la poche de M. Stedman et la courte matraque avec laquelle il a été tué, elle est encore tachée de sang, et les chiffons avec lesquels j'ai nettoyé le bâton. Je jure que je ne ferai jamais usage de ces choses contre Philippe Badoc, à moins qu'il ne m'y pousse, et si vous répétez ce que je viens de vous dire, je jurerai que j'ai menti. Personne ne peut trouver les preuves que je détiens. Mais le jour où vous épouserez Badoc, je les remettrai entre les mains de la police. » Il y eut un silence dans la pièce. Je pouvais presque entendre les battements de mon propre cœur, tant j'étais horrifié, consterné par l'horrible histoire que cet homme venait de raconter à ma chère Lady. L'infamie de tout ce projet était si terrible et en même temps si astucieuse qu'il semblait inconcevable qu'un cerveau humain ait pu l'engendrer. Vaguement, dans mon esprit obtus, je me demandais si Lady Molly n'allait pas devoir commettre une bigamie avant de pouvoir arracher des mains de ce malfaiteur les preuves qui libéreraient son propre mari de son martyre. Je n'entendis pas ce qu'elle dit, je ne sus jamais ce qu'il avait l'intention de répliquer, car à ce moment-là, mon attention fut attirée par le bruit de pas qui courait sur le gravier, suivi d'un coup fort frappé à notre porte d'entrée. Instinctivement, je courus ouvrir. Notre vieux jardinier se tenait là, sans chapeau et à bout de souffle. « Le château d'Appledore, mademoiselle, balbutia-t-il, est en feu. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. » Avant que j'aie eu le temps de répondre, j'ai entendu un juron retentir tout près de moi et, l'instant d'après, Felkin sortit du salon et se précipita dans le hall. « Y a-t-il ici une bicyclette que je puisse prendre ?» cria-t-il au jardinier. « Oui, monsieur, répondit le vieil homme. Mon fils en a une. Juste dans cette remise, monsieur, à votre gauche. » En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Felkin se précipita vers la remise, en sortit la bicyclette, l'enfourcha, et je pense que 2 minutes après avoir entendu la terrible nouvelle, il s'élançait sur la route et fut bientôt hors de vue. Chapitre 4. Une aile de l'imposante demeure était en flammes lorsque, un quart d'heure plus tard, ma chère Lady et moi sommes arrivés sur les lieux. Nous étions venus à bicyclette peu de temps après M. Felkin. Au moment même où l'étrange spectacle s'offrait à nos yeux, un grand cri d'horreur venait de s'élever de la centaine de personnes qui regardaient le terrible incendie, tandis que les pompiers locaux, aidés par les hommes de M. Badoc, s'affairaient aux bouches d'incendie. Ce cri trouva un écho dans notre propre gorge lorsque nous vîmes un homme grimper, avec la rapidité d'un singe, sur une longue échelle qui avait été appuyée contre une fenêtre du deuxième étage de la partie en flammes du bâtiment. La lueur rouge éclairait la grosse tête hirsute de Felkin, mettant un instant en relief son nez crochu et sa barbe hirsute. Pendant 3 secondes peut-être, il resta ainsi, se détachant sur ce qui semblait être une fournaise incandescente derrière lui, et la seconde d'après, il avait disparu au-delà de l'embrasure de la fenêtre. « C'est de la folie !» s'écria la foule au premier plan. Et avant que l'on se rende compte de l'origine de cette voix, on vit M. Philippe Badoc grimper à son tour à l'échelle. Une douzaine de paires de mains la tenirent juste à temps pour le tirer en arrière de la périlleuse ascension. Il lutta pour se dégager, mais les pompiers étaient déterminés et réussirent bientôt à le ramener au niveau du sol, tandis que deux d'entre eux, casqués et bien équipés, prenaient sa place sur l'échelle. Le premier avait à peine atteint le niveau du premier étage que la silhouette de Felkin apparut à nouveau dans l'embrasure de la fenêtre. Il titubait comme un homme ivre ou évanoui, ses cheveux et sa barbe hirsute étaient rabattus sur sa tête par le terrible courant d'air provoqué par les flammes, et il agitait ses bras au-dessus de sa tête, donnant l'impression à ceux d'en bas qu'il regardait avec horreur qu'il était soit possédé, soit mourant. Il tenait dans une main ce qui ressemblait à un gros et long fagot. On le vit alors avancer une jambe, manifestement pour prendre des forces, afin d'escalader le rebord de la fenêtre, un peu élevé. Avec un cri d'encouragement, les deux pompiers se hissèrent avec l'agilité d'un écureuil, et le cri de « Ils arrivent ! Ils arrivent ! Tiens bon, Felkin !» s'éleva d'une centaine de gorges excitées. Le malheureux fit un nouvel effort. Nous pouvions maintenant voir clairement son visage dans la lueur presque aveuglante qui l'entourait. Il était déformé par la peur et aussi par l'agonie. Il poussa un cri rauque qui, je le crois, résonnera à mes oreilles aussi longtemps que je vivrai, et, dans un effort surhumain, il lança par la fenêtre le paquet qu'il tenait. Au même moment, il y eut un sifflement terrible, suivi d'un grand fracas. Le sol sous les pieds du malheureux avait dû céder, car il disparut soudain dans une mer de flammes. Le fagot qu'il avait jeté en bas avait frappé le premier pompier à la tête. Celui-ci perdit prise et, en tombant, entraîna son malheureux camarade dans sa chute. Les autres coururent au secours de leurs camarades. Je ne pense pas qu'ils aient été sérieusement blessés, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé juste après dans la foule, parmi les pompiers ou dans le bâtiment en flammes. Je sais seulement qu'au moment où la silhouette de Felkin avait été aperçue pour la deuxième fois dans le cadre de la fenêtre illuminée, Lady Molly m'avait pris la main et m'avait entraîné en avant à travers la foule. La vie de son mari était en jeu, tout autant que celle du misérable qui courait à une mort horrible au nom de ses preuves que, comme il fut démontré par la suite, Philippe Badoc essayait de détruire par des moyens aussi draconiens. L'agitation autour de l'échelle, la chute des deux pompiers, l'effondrement du plancher et la disparition macabre de Felkin provoquèrent une telle agitation dans la foule que le paquet que le malheureux avait jeté resta pour l'instant inaperçu. Mais Philippe Badoc atteignit l'endroit où il était tombé 30 secondes après Lady Molly. Elle l'avait déjà ramassé lorsqu'il lui dit durement « Donnez-moi cela, c'est à moi. Felkin a risqué sa vie pour me le sauver. » L'inspecteur Etty, cependant, se tenait tout près et avant que Philippe Badoc ne réalise ce que Lady Molly avait l'intention de faire, elle s'était retournée rapidement et avait placé le paquet dans les mains de l'inspecteur. « Vous me connaissez, Etty, n'est-ce pas ? » dit-elle rapidement. « Oh oui, madame !» répondit-il. « Alors, prenez le plus grand soin de ce paquet. Il contient les preuves d'un des crimes les plus ignobles jamais commis dans ce pays. » Aucune autre parole n'aurait pu susciter à ce point l'enthousiasme et la prudence d'Etty. Après cela, Philippe Badoc pouvait protester, se déchaîner, tempêter ou essayer de corrompre, mais les preuves de sa culpabilité et de l'innocence du capitaine de Mazarine étaient en sécurité entre les mains de la police et devaient finir par être dévoilées. Mais, en fait, Badoc ne tempêta ni de plaida. lorsque Lady Molly se tourna à nouveau vers lui, il avait disparu. Vous connaissez la suite, bien sûr. Elle s'est produite trop récemment pour être racontée. Philip Baddock fut retrouvé le lendemain matin, une balle dans la tête, allongé sur la pierre de granit qu'il avait lui-même érigée, avec une cruelle hypocrisie à la mémoire de M. Steadman qu'il avait si odieusement assassiné. Le malheureux Felkin n'avait pas menti en affirmant que les preuves qu'il détenait de la culpabilité de Baddock étaient concluantes et mortelles. Le capitaine de Mazarin obtint le pardon de Sa Majesté après 5 années de martyre qu'il avait supportées avec une force d'âme héroïque. Je n'étais pas présente lorsque Lady Molly fut à nouveau unie à l'homme qui la vénérait si ardemment et lui faisait confiance, et à l'amour, à l'innocence et à la cause duquel elle était restée si sublimement loyale tout au long des dernières années. Elle renonça à ses relations avec la police. La raison n'était plus avec le retour de son bonheur, sur lequel, moi, sa toujours fidèle Mary Granat, vais, avec votre permission, jeter un voile. Fin des enquêtes de Lady Molly de Scotland Yard, de Emma Orsi.